Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour ce calendrier du 4 novembre 2019. Le temps passe vite quand même, hein. Alors, à part le calendrier, bien sûr, il y aura ce soir, bien, pas mal de musique, une revue de presse, et puis un sujet sur la désobéissance civile, un reportage sur Ferry, qui est un homme en or pour le capitalisme, par Henri Guillemin. Musique, Ferry est un homme en or donc pour le capitalisme. Henri Guillemin, les droits féodaux, va nous expliquer comment les droits féodaux ont été supprimés à la Révolution, mais pas comme on a l'habitude de nous le dire. Vous voyez, on a tendance à croire des choses, et puis la réalité historique n'est pas forcément celle qui a été la vérité répandue abondamment. Hein, la vérité entre guillemets, bien sûr, puisque c'est pas la vérité. Propagande à tous les étages, propagande à toutes les époques. Désobéissance civile, Adrien Quatennens va nous expliquer ce qu'il en pense. Jean-Luc Mélenchon nous parlera de l'attaque d'Erdogan en Syrie. C'est déjà un petit peu ancien, mais bon, c'est bon de se remémorer un petit peu les choses, de se rafraîchir la mémoire. Le média En Marche vers la fin de ce monde. Alors, En Marche et se dirige vers la fin de ce monde. Ah oui, ils sont en train de préparer des choses tellement irrecevables que on va pas les accepter, c'est sûr. Le média Manifeste jaune fait sombrer le macronisme. Ah, le Manifeste jaune fait sombrer le macronisme. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir. Et puis Julie Garnier de la France insoumise, soutien total aux cheminots. Voilà. Bonne soirée. Bonne nuit. Le calendrier des esclavages et des libérations, le 4 novembre, que s'est-il passé le 4 novembre? Eh bien, par exemple, en 1780, au Pérou, en Bolivie, début de la plus grande insurrection sociale de l'histoire des Amériques. Le mouvement éclate presque simultanément en 80 provinces, avec Tupac Amaru au Pérou et les frères Qatari en Bolivie. 1839, Grande-Bretagne. La marche des chartistes s'achève dans le sang. Au petit matin, le 45e régiment accueille les rebelles. 14 chartistes sont tués. Les leaders Frost et Williams sont arrêtés. 1848, France. Promulgation de la Constitution, adoptée le 28-10. La peine de mort est supprimée. En 1848, en France. L'esclavage ne peut exister sur aucune terre française. Cette constitution durera jusqu'à Louis-Napoléon le 14 janvier 1852. 1872, France. Après plus d'un an d'emprisonnement et un voyage inhumain, entassés sur des navires, les 4500 déportés de la commune, parmi eux 21 femmes, dont Louise Michel, arrivent au bagne de la Nouvelle-Calédonie. 1894, Autriche. Fondation de l'Association des jeunes travailleurs, Verein Jugendlicher Arbeiter. 1909, USA. Arrestation par la police de Mary Dreyer, présidente de la Ligue de New York. La presse s'empare de l'événement et révèle au public les conditions de travail des ouvrières du textile. 1915, Mexique. Les typographes se déclarent en grève. 1918, Allemagne. Les marins révoltés de Kiel s'unissent aux dockers pour former avec eux un conseil d'ouvriers et de soldats. La révolution de novembre est commencée. 1928, Nicaragua. Farce électorale. Moncada devient président. 1936, Espagne. Contre tous leurs principes, les anarchistes, CNT, acceptent de participer au gouvernement. Car le dilemme guerre ou révolution n'a plus de sens. Le seul dilemme est celui-ci, ou la victoire sur Franco grâce à la guerre révolutionnaire, ou la défaite. En 1936, la CNT anarchiste compte 1 million de membres. Vous entendez ça? 1 million de membres. En 1936, ils étaient courageux, les Espagnols. Enfin, certains Espagnols. Pas tous, bien sûr. parce que en Espagne, comme en France, comme partout ailleurs, il y a des gens de gauche, mais il y a aussi des gens de droite, malheureusement. Hein? Eh oui, eh oui. 1950, Europe, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 1956, Hongrie, Kadar, János Kadar, forme un gouvernement ouvrier et paysan révolutionnaire. Il fait appel aux troupes soviétiques qui écraseront l'insurrection. 1973, Grèce, grande manifestation populaire à la suite du service funèbre à la mémoire de Georges Papandréou. 20 000 personnes affrontent la police. 1979, Iran, attaque, occupation et prise d'otages à l'ambassade des USA à Téhéran. 1982, Cameroun, démission volontaire du président Ali Djo. Il était à ce poste depuis 1961. Quand les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier. Qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui changera de biniou, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime changera de client, quand les smokings changeront de valise, alors la vie est gentlement, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares ils changeront de bouche, quand les stars elles changeront de main, quand la bonne soupe elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus ils changeront de tête, quand les bagous elles changeront de doigts, quand l'homard il changera de fourchette, les employés on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. La revue de presse. Alors, Paris, le tueur de la préfecture était bien lié à l'islam radical, selon le parquet antiterroriste, qui a retracé minute par minute son parcours meurtrier. L'informaticien a montré des signes évidents de radicalisation. Alors, c'est quand même un peu... Allez, je ne commande pas, vous ferez le commentaire vous-même. Hein. Ouais, et c'était le service de renseignement spécialisé plus ou moins dans la lutte antiterroriste qui a laissé... Enfin bon, voilà, ça s'est passé comme ça, chez eux, à leur manière. Un couple condamné pour consommation et vente d'héroïne. Ce vendredi 4 octobre, un couple comparaissait devant le tribunal correctionnel d'Épinal pour consommation, détention et vente de stupéfiants. L'homme qui gérait le trafic a écopé de 2 ans de prison, dont 6 avec sursis. Sa compagne de 13 mois de prison avec sursis. Voilà, une autre forme de drogue. Il y a la drogue des intégristes musulmans ou autres intégrismes. Hein, et puis il y a la drogue chimique. La grignoteuse s'attaque à la tour de Neuvillet. C'était un grand jour, ce mardi, pour les habitants du quartier du Rumont. Ils avaient rendez-vous devant la tour de Neuvillet pour assister au début de sa démolition. Elle a abrité pendant 45 ans des joies et des peines dans 50 logements. Le bailleur Vaugelis et la ville étaient aux premières loges. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui a payé la construction de ce bâtiment ? De ces bâtiments, parce que toutes les tours ont été construites et démolies de la même manière. Hein, donc, qui a payé la construction de ces bâtiments et qui paye la démolition ? Hein ? Eh ben oui, ben c'est vous et moi. Eh oui, les locataires, les contribuables, ouais. Alors, des collégiens, ils ont entre 14 ans et... Ils ont 14 ans, pardon, et viennent d'entrer en classe de 3e. Et dans le même temps, ils ont décidé de passer leur mercredi après-midi à la caserne Varennes et de côtoyer les militaires du 1er régiment de tirailleurs. Voilà. À quoi va ressembler le revenu personnel d'activité ? simplifier et fusionner les minima sociaux actuels et lutter contre la pauvreté. C'est l'objectif de la nouvelle prestation sociale unique voulue par le président Macron. Les Français sont invités à donner leur avis. Ah bon ? Ah bon ? Tiens, ah bon ? Eh bien, ma foi, s'ils le disent, hein, c'est écrit dans le journal. Mardi 8 octobre, donc Vosges matin, toujours, Remiremont. Qui sont les nouveaux habitants de Remiremont ? Alors que l'évolution démographique de la ville a plutôt tendance à aller vers la baisse, la commune de Remiremont attire tout de même chaque année de nouveaux habitants. Ils étaient ainsi une trentaine à être reçus en mairie. Qui sont ces nouveaux habitants ? Alors, une autre question qu'on pourrait poser aussi, c'est, donc, ils sont une trentaine à arriver, mais combien sont-ils ceux qui sont partis ? Et pourquoi sont-ils partis ? Est-ce que le chômage, par hasard, n'aurait pas un rôle à jouer dans le peuplement, le dépeuplement, le repeuplement d'une ville, d'une commune, d'un territoire, etc. Ah oui, vous avez remarqué, j'ai utilisé le mot territoire. Ah, territoire. La fracture des territoires. Sociale, crise, maison de retraite, à bout. Les personnels en grève. L'intersyndicale des services d'aide aux personnes âgées et les directeurs d'établissement appellent à des rassemblements dans toute la France pour dénoncer le manque de moyens dont souffre le secteur. Tuerie de la préfecture. Voilà. Alors, il y en a un qui a ajouté en haut du papier, là, « Fumer tue, sauf à Rouen ». Bon, je vois pas trop le rapport, mais enfin, bon, c'est comme ça. Cinq jours après l'attaque qui a coûté la vie à 4 fonctionnaires dans la préfecture de police de Paris, voici le temps des questions aux ministres et à l'administration. Oh oui, on peut même leur poser des questions bien avant, dès le premier jour, dès la première heure, dès la première minute. Pourquoi ce genre de choses était-il possible ? Pourquoi ? Comment est-ce que les services sont organisés ? Hein, surtout les... Enfin bref, c'est comme si c'était un pompier qui s'amuse à mettre le feu, quoi. Hein, c'est pompier pyromane, policier, tueur de policiers, enfin bon, voilà, antiterroriste qui est dans la lutte antiterroriste, théoriquement, là on n'y comprend plus rien, hein, c'est vraiment, bon, faut arrêter le manège, ça tourne. Hein. Le profil du tueur se précise, des données confidentielles ont été retrouvées à son domicile. Voilà, ben maintenant, on sait, ça c'est un journal déjà un peu ancien, oui, ma revue de presse, elle est faite avec quelques jours de retard, et même davantage. Ben oui, parce que ça permet de reparler d'événements qu'on a tendance à oublier. Ben oui, parce que le premier jour, le deuxième jour, on y pense, et puis à partir du quatrième jour, on commence à oublier. Mais oui. Et histoire, le procès à Hambourg d'un ancien gardien de camp débute jeudi. Alors, l'octogénaire, au pluriel, ou nonagénaire au pluriel, ils n'ont souvent été sous l'Allemagne hitlérienne que des subalternes. Oh, il y avait beaucoup de subalternes, oui. Et c'est pas vraiment une excuse d'être subalterne. Mais la justice allemande les rattrape pour avoir été des rouages de la machine de mort nazie. Eh oui, ils avaient beaucoup de complices, ces gens-là, y compris en France. Y compris des collabos, hein, mais oui, qui ont pignon sur rue maintenant, qui font les malins maintenant, hein, oui, beaucoup de gens qui sont ou qui ont été au pouvoir, ils auraient été au pouvoir aussi peut-être entre 40 et 44, oui, ah ben oui, il faut juger sur les actes, hein, pas sur autre chose. Facebook, les radars automatiques permettent de relever plus d'infractions. Les radars peuvent désormais vérifier automatiquement que l'individu flashé pour une infraction est bien assuré. Si ce n'est pas le cas, après un délai de mise en conformité, le propriétaire recevra une amende forfaitaire de 750 euros. L'Observatoire ministériel de la sécurité routière évalue à 700 000 les conducteurs non assurés. 700 000 les conducteurs non assurés. Et l'amende est de 750 euros. Vous trouvez pas qu'il y a comme une contradiction là-dedans ? Ah ben oui, les gens qui s'assurent pas, souvent, c'est pour quelle raison ? Ben c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et oui. Ça coûte cher de ne pas être assuré. Mais ça coûte encore plus cher d'être assuré. Quand on n'a pas les moyens. Eh oui, quand on a les moyens, évidemment, la logique veut qu'on soit assuré, bien sûr. Quand on a les moyens. Quand on n'a pas les moyens, la logique n'est plus tout à fait la même. Condamné pour avoir caché des munitions et des armes. Bon, enfin bon, façon de parler. La Catalogne éprouvée sans chaise sous pression. Ah là là là là, il s'en passe des choses, hein. Vosges, Daniel Gremillet intègre la commission d'enquête sur Lubrizol. Ah, ça c'est une idée qui est bonne. On va suivre le dossier. Hein, on aura bientôt des bonnes nouvelles. On saura bientôt quelle était la liste, on aura bientôt la liste des produits dangereux qui étaient stockés dans cette entreprise-là et qui sont partis en fumée jusqu'en Belgique, c'est parti. Eh oui, mais bon, on saura la vérité, toute la vérité. Oui, oui, je le jure, a dit le chef. Ensuite, bon, la bourse. Alors GTT plus 31%. 31,27, mais bon, je vous fais grâce des décimales. Ageco Group, plus 84,38%. Ah, peut-être qu'ils sont dans la chimie. Tous les produits qui ont brûlé, là, il va falloir les remplacer. On va faire tourner des usines pour les fabriquer. Et ça fera des bénéfices. Et puis les gens qui seront tombés malades, eh bien c'est pareil. Ça fera du chiffre pour les laboratoires pharmaceutiques pour produire les médicaments pour les soigner, les victimes. Le Grand, plus 40%. Nexity, plus 13%. Bon, Orange, plus 5,44%. Bon, ah oui, ben tout n'est pas à la hausse. Hein. Alors je ne parle que des trucs à la hausse quand même. Non, ArcelorMittal, moins 27%. Eh oui. Bic, les stylos et les briquets, etc., moins 30%. Ah, est-ce que c'est le Brexit qui est en cause ? Oh non, mais la politique, elle n'a rien à faire là-dedans, voyons. Les affaires, c'est les affaires, c'est pas... Les affaires et la politique, ça n'a rien à voir. Ben, faire élire quelqu'un à la présidence de la République ou à tel ou tel endroit, c'est pas une affaire d'argent. Mais non, c'est une affaire de presse. C'est une affaire de presse, d'information, de moyens d'information. Bon, les moyens d'information, évidemment, il y en a 95% qui appartiennent à 9 milliardaires en France. Hein, puis à l'étranger, c'est un peu pareil. Hein. Mais voilà. C'est pour ça qu'on a inventé les radios libres. Barbara Cassin, immortel, un discours inaugural contre le Global English. Global English. Alors voilà, ben elle agit pour fustiger le Global English. Alors qu'est-ce que ça veut dire Global English ? Ben faut chercher le dictionnaire de patois de la Bresse ou de Gérard May pour savoir Global English. Moi je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Époux Balkany, 4-5 ans de prison ferme. Patrick et Isabelle Balkany ont été à nouveau condamnés vendredi à de lourdes peines de prison ferme pour blanchiment. Voilà, voilà, voilà. Eh oui, les enjeux de santé nécessitent un changement de méthode. Crise des urgences, manque de personnel dans les EHPAD, maternité qui ferme, Bar-le-Duc, Tann, Alkirch, point de suspension, difficulté à recruter des infirmières, démographie médicale inquiétante avec notamment le départ de la retraite de 30% des généralistes du Grand Est, 30% des généralistes du Grand Est, 50% dans certains territoires, rapprochement public-privé. Ah, et voilà, voilà le piège, rapprochement public-privé. Futurs hôpitaux de proximité prévus dans la loi. Non, ça ne sera pas des hôpitaux de proximité, ça sera des cliniques privées de proximité. Ben, on est macronien ou on ne l'est pas, voyons. Ah ben oui, les affaires sont les affaires. La santé, c'est une chose, les affaires, c'est autre chose. Et les affaires, c'est plus important que la santé, pour les gens qui ont de l'argent et qui veulent en avoir encore plus. Droit de retrait. Des risques quotidiens dans les Vosges. Après la collision entre un train de voyageurs et un camion à un passage à niveau, mercredi dans les Ardennes, faisant 11 blessés dont le conducteur du train, les cheminots ont exercé leur droit de retrait ce vendredi en Lorraine. Ils estiment que les risques sont quotidiens dans les Vosges. Quotidiens dans les Vosges. Alors évidemment, ils vont tous faire participer au mouvement. Tous, sans exception. Ben oui, ah ben... Parce que on se retrouve maintenant dans une position, il faut choisir entre deux camps. Voilà, hein, on est résistant ou collabo. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Pas simpliste, simple. Retour du trou de la Sécu pour cause notamment de crise des gilets jaunes. Ben oui, tiens, et d'une conjoncture économique moins bonne qu'espérée. Eh oui, le gouvernement n'y est pour rien. Hein. Non. La sécurité sociale ne sera pas dans le vert cette année encore. Le retour à l'équilibre promis pour 2019 est repoussé à 2023. Le projet de budget, examiné à partir d'aujourd'hui en séance par les députés, prévoit encore un déficit de 5,1 milliards l'an prochain. Et dire qu'il y a plus de 80 milliards d'euros qui sont dans des banques suisses qui auraient dû être versées aux impôts. Et ces 80 milliards-là, ils auraient dû permettre de créer des emplois, d'une part, et d'autre part, de construire des logements, bien sûr, et puis aussi de renflouer la sécurité sociale, directement ou indirectement. La stratégie de Huawei pour la France. À 35 ans, Linda Han vient de prendre son poste de vice-présidente des affaires publiques de Huawei pour la France, directement rattachée à la direction du géant chinois de la téléphonie. Parfaitement francophone, après plusieurs années à sillonner les pays d'Afrique pour y développer les activités du Huawei, cette jeune diplômée en français et en économie débarque au moment où le numéro 2 mondial est blacklisté des États-Unis. Alors, Monsieur Macron, un conseil, nommez la Premier ministre, hein? Elle n'est pas française, ça peut s'arranger, rapidement. Le nouvel appel à la grève des biologistes médicaux. Faute de propositions satisfaisantes, les syndicats de biologistes médicaux appellent pour la seconde fois en quelques semaines à fermer les portes des laboratoires pendant 3 jours à partir de ce mardi, toute la journée au niveau national, les après-midi seulement en Lorraine. Oui, en Lorraine, on est moins syndicaliste que dans le reste de la France. Voyons. Ben oui, on est à l'Est, hein. On a des frontières communes avec des pays parfois réactionnaires plus que de raison. Hein. Carrière, des jeunes plus diplômés, plus précaires, moins payés. La crise est passée par là. Le marché du travail est beaucoup moins accueillant pour les jeunes et surtout pour les jeunes non diplômés, constate une étude du CEREC. Oui, il faut pas avoir moins de 30 ans pour trouver du travail, et il faut pas avoir plus de 50 ans non plus. Ah oui, le créneau, il se resserre. Alors, bientôt, 100% des Français seront chômeurs, y compris les ministres, bien entendu, parce qu'on va pas les oublier en route, ceux-là. Le solaire et l'éolien deviennent les énergies les moins chères. Ça fait longtemps qu'il y en a qui le disent. Hein. C'est pas difficile à deviner. Hein. Fabriquer et installer des éoliennes, c'est très rapide et c'est pas très cher. Et le rendement, il est bon rapidement. Ouais. Et il n'y a pas le problème des matières radioactives. Ah oui, il n'y a pas le problème Tchernobyl ni Fukushima. Alors, ils ont pris le pouvoir, les géants du net, point d'interrogation. Google, Amazon, Facebook, Apple. En quelques années, ils se sont immiscés dans le et moindre recoin de la société. Ces géants américains se voient reprocher leur trop grand pouvoir. Faut-il démanteler Google, Amazon, Facebook ou encore Apple qui pèsent à eux quatre près de 3 500 milliards de dollars? Vous attendez ça? 3 500 milliards de dollars. Eh oui. La question peut sembler incongrue. Elle est pourtant abordée le plus sérieusement du monde aux États-Unis où les lois antitrust autorisent une solution aussi radicale. En quelques années, les géants du numérique sont parvenus à disputer leur puissance au pouvoir politique, qu'ils inquiètent désormais. Eh ben oui, chacun son tour d'être inquiet, hein. Ben oui. Et le pouvoir politique qui était le valet, qui était le laquais des puissances d'argent, hein, qui était la brosse à reluire des puissances d'argent, eh ben maintenant, ils vont être eux aussi les laquais, les valets, les brosses à reluire des géants de l'informatique, du numérique. Le tour de force mobilisateur des agriculteurs. Voilà. Les agriculteurs. Le collectif O88 satisfait mais toujours déterminé. Si on peut être satisfait de cette réorientation du dossier, stratégie que nous défendons en vain depuis 4 ans, tout recommence aujourd'hui. On n'en est qu'à la fin du premier acte. Au sortir de la préfecture de la conférence de presse, tenue par le préfet ce lundi matin, les membres du collectif O88 en ont fait de même. Soulagés qu'on leur donne raison, ils n'en restent pas moins déterminés à aller au bout de leurs idées, défendre l'intérêt général, protéger la ressource en eau et faire respecter la loi. Voilà. Pour Jean-François Fleck, la surexploitation de cette nappe inférieure a assez duré. Ah oui. Voilà, alors les choses vont changer, c'est sûr, hein. Ouais. interview Manuel Cervera-Marzal, première. Manuel Cervera-Marzal, je suis enseignant en sciences politiques et en philosophie et je travaille sur les mouvements de contestation, en particulier les mobilisations de désobéissance civile. Alors certains font remonter la désobéissance civile à Socrate, à Antigone, mais en réalité l'expression elle apparaît seulement au milieu du 19e siècle aux États-Unis sous la plume d'un citoyen de l'État du Massachusetts, Henry David Thoreau, qui refuse de payer ses impôts au gouvernement pendant 7 années parce que c'est un gouvernement qui pratique une politique esclavagiste et lui ne veut pas que son argent vienne cautionner ce type de phénomène qu'il juge évidemment inhumain. Et pour justifier ce refus, va tenir une conférence qui ensuite va être retranscrite et publiée à compte d'auteur. Ça, c'est vraiment le texte fondateur de la désobéissance civile qui ensuite va être lu par Gandhi lors d'un séjour en prison, par Martin Luther King lors d'un séjour en prison. À la source de la désobéissance civile, y a un non. Voilà, y a un refus de l'existant au nom de certaines valeurs universelles. Mais ce n'est pas qu'un acte moral, c'est aussi un acte politique, parce que il s'agit de changer la loi, de faire pression sur le gouvernement, de modifier l'ordre des choses. Comment est-ce que la déclaration des droits de l'homme est arrivée, le droit de vote des femmes, la sécurité sociale, à travers des actes de désobéissance. Donc ce qu'on voit là, c'est que les droits d'aujourd'hui, ils sont pas tombés du ciel, ils ont été façonnés, revendiqués et institutionnalisés. Pourquoi ? Pas parce que les seigneurs d'autrefois les ont gentiment offerts à leurs sujets, mais parce que ces sujets se sont révoltés et ont désobéi. Donc là, on voit vraiment que la démocratie, c'est pas juste un état des choses figé, mais c'est une dynamique, c'est un mouvement. Quel est le moteur de ce mouvement démocratique ? Eh bien, c'est tout simplement des actions qui peuvent parfois s'inscrire dans le cadre de la légalité en vigueur, mais qui peuvent aussi, quand ce cadre est trop restreint, sortir du cadre de la loi pour améliorer la loi. Depuis à peu près le milieu des années 90, on a une démultiplication des actions de désobéissance civile. Là, je pense à des moments un peu fondateurs et emblématiques, comme en 1993, Act Up, qui recouvre l'obélisque de la Concorde avec un préservatif géant, ou bien en 1999, José Bové et les faucheurs d'OGM qui vont aller démonter le McDonald's de Millau. Donc c'est des moments un peu marquants de la désobéissance civile. Et après ça, vous avez de nombreux collectifs qui vont essaimer, comme le réseau Éducation sans frontières pour aider les familles sans papiers, comme Jeudi Noir pour le droit au logement. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette prolifération des actes de désobéissance civile ? Eh bien, ça nous dit une chose, à mon avis, assez simple, c'est que les formes de contestation traditionnelles, qui sont des formes de contestation légales, sont quelque part en train de s'essouffler. Là, je pense au vote pour des partis contestataires, je pense aux grèves, je pense au syndicalisme. Quand on regarde tout ça, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui en 2017, on se rend compte que la courbe, alors évidemment il y a des petites variations, mais la courbe elle est clairement en chute libre. Il y a de moins en moins de syndiqués, il y a de moins en moins de journées de grève, il y a de moins en moins de boycotts. Ces formes de contestation traditionnelles, elles s'essoufflent. Il y a un sentiment quelque part qu'elles sont plus si efficaces ou qu'en tout cas elles sont pas suffisantes, et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes engagées et militantes décident d'aller voir ailleurs et s'intéressent à des formes un peu plus radicales et en l'occurrence illégales, comme la désobéissance civile. Les lanceurs d'alerte, on peut les considérer comme des désobéissants. Vous prenez quelqu'un comme Edward Snowden, ou bien Irène Frachon, ou Antoine Deltour, c'est des gens qui n'avaient pas particulièrement une verve militante, qui venaient pas de familles extrêmement engagées politiquement, mais qui, à un moment donné, dans le cadre de leur travail, se rend compte que l'institution dans laquelle ils sont employés est en train de commettre des violations manifestes des principes humains les plus élémentaires. Et alors là, vous avez beau ne pas être prédisposé à la désobéissance, il se passe comme un choc moral qui fait que, c'est ce qu'ils disent tous, hein, avec leurs mots, ces lanceurs d'alerte, je ne pouvais que révéler ça au grand public et me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes supérieurs. Donc c'est des personnes qui ensuite sont amenées devant les tribunaux, sont bloquées en Russie et sont condamnées. Il faut voir que les conséquences, le prix à payer est toujours très très cher et se fait au sacrifice de leur propre personne. Quand on se demande, on disait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de militants désobéissants aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, on pourrait dire parce que des personnes qui, hier, manifestaient ou pétitionnaient des actions légales, se sont radicalisées et sont allées chercher du côté de la désobéissance en pratiquant des actes illégaux, en allant dans des ZAD, etc. C'est une première explication. Je pense qu'elle répond en partie à la question. Mais il y a un deuxième élément de réponse, c'est que c'est pas seulement les militants aujourd'hui qui se radicalisent, c'est aussi l'État français qui se radicalise dans une pente autoritaire et sécuritaire, par exemple parce que ça a précédé l'état d'urgence, avec la loi sur le service minimum qui fait que désormais une grève, si vous ne déposez pas un préavis suffisamment longtemps à l'avance, eh bien votre grève, elle va être illégale. Donc qu'est-ce qu'on voit là ? On voit que ce que hier encore nos gouvernants considéraient comme des libertés fondamentales, boycotter, se mettre en grève et manifester, aujourd'hui, de plus en plus, eh bien ils considèrent ça comme illégal. Donc vous pouvez avoir conservé le même type d'engagement et d'action que vous faisiez il y a une dizaine d'années. Eh bien, comme le périmètre de ce qui est légal, il est en train de se réduire drastiquement, vous vous retrouvez de facto mis hors la loi. Il y a une véritable criminalisation des mouvements sociaux, les interdictions de manifestation. Et elles ont été légitimées par un arsenal juridique, législatif, qui est celui qui a été mis en place suite aux attentats du 13 novembre 2015. Et là, on voit se mettre à l'œuvre un processus tout à fait pervers, qui est que des lois d'exception faites pour lutter contre des troubles à l'ordre public et pour lutter contre le terrorisme se retournent contre des cibles qui ne sont pas du tout les cibles officiellement visées, à savoir les terroristes. Non, on utilise ça contre des militants, contre des écologistes, contre des syndicalistes, contre des lycéens. La désobéissance civile, c'est une façon de promouvoir une conception vivante de la loi, une conception dynamique de la loi qui évite qu'on en fasse un espèce de totem comme ça qui volerait au-dessus de nos têtes et auquel on ne pourrait strictement rien. C'était ces lois scolaires. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas blaguer sur Ferry et qu'il y a des gens qui vous disent, oui, tout de même, c'est Ferry qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui était encore très répandu en France. Je ne dis pas qu'il était à 75%, mais il était bien à 40% au moins. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus ou presque plus y avoir d'analphabétisme. En 1900, par exemple, lorsque les soldats arrivent à la caserne et qu'on fait le pointage de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il n'y en a plus que 2%. Là, beau travail. D'autre part, il était indispensable que Ferry fît la laïcité. Savez-vous qu'à ce moment-là encore, les instituteurs étaient obligés de faire réciter aux enfants leurs prières, même aux enfants qui n'étaient pas catholiques. Et bien, père et mère avaient beau protester, les enfants devaient réciter leurs prières et l'instituteur avait obligation de vérifier que les enfants allassent bien à la messe le dimanche. C'était évidemment intolérable. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait, Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent. Il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. En 1880, on avait laissé revenir les communards. L'amnistie avait été d'abord partielle, puis en juillet 1880, c'est une amnistie totale. On va voir revenir des gens qui arrivent de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie, en fait des tas d'exilés, parmi lesquels il y a des types très dangereux comme Gilles Vallès, Gilles Vallès qui va se mettre à attaquer très violemment Gambetta parce que Gambetta a osé dire « il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès va répondre « comment il n'y a pas de question sociale ? Il n'y en a pas d'autre ». On avait vu d'autre part des signes dramatiques. On avait vu Blanqui, vous savez, l'enfermé Blanqui, enfin le révolutionnaire Le Rouge, qui avait été élu dans une élection partielle à Lyon. Et on avait vu Gambetta lui-même, qui, dans sa circonscription de Belleville, s'était trouvé aux prises avec une partie de ses électeurs. Il les avait appelés ilotes ivres. Il avait dit « je saurais vous retrouver jusqu'au fond de leur repère ». Enfin, vous voyez que ça allait assez mal du point de vue social. Alors Ferry est un homme qui réfléchit. Et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin, journée de juin 48. Vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat. On avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Eh bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Fallou avait dit « mais pour le présent, ça va, hein, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. » Alors il avait fait la loi, dite la loi Fallou, donc vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation aux démunis. De leur dire, vous savez quelle chance vous avez, ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre. Mais alors, l'autre côté, hein, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Alors ce que je vais vous dire a l'air d'un paradoxe invraisemblable, et je suis sûr que c'est vrai, Ferry, son vrai nom, c'est le Fallou laïque. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petite histoire, petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Lallois, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académicien. Et il met en scène là un vieux savetier. Il s'adresse à son petit-fils, je crois un genou, qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Ah, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein. Autrefois, on leur disait « paradis à la fin de vos jours ». Maintenant, on leur dit « si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis, un peu plus concret, qu'est le paradis bourgeois ». Ferry est un homme qui ne cesse de répéter « faites des économies aux ouvriers ». Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Et un humoriste, enfin, d'humour noir, dira à ce moment-là « oui, c'est entendu, c'est du travail accumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent puis les autres qui accumulent ». Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Pecot. Pecot, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instruction au président de l'association des instituteurs de la Seine. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Peggy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui va organiser de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer, qui avait été le terrain de chasse le plus giboyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça avec les voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui va décider, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse. Thank you.

Ce qu'il faut dire, en tant que responsable politique, notre rôle, c'est d'abord effectivement de porter finalement l'alternative dans les institutions, et nous le faisons. Mais ça n'est pas suffisant aujourd'hui. Et vous avez des mouvements dans la société qui sont en train de monter, qui sont des mouvements non violents, et il faut le saluer. Vous avez cité Extinction Rébellion. Vous avez quelques jurisprudences d'ailleurs qui peuvent servir. Vous savez que dans le cas des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron, on n'a pas vu a priori de mairie se plaindre d'avoir été volé du portrait présidentiel qui coûte 8 euros et quelques. Mais néanmoins, vous avez la... Merci pour la précision. Non mais si vous voulez, pour qu'il y ait un vol, en quelque sorte, il faut que quelqu'un soit plein d'un vol. J'ai c'est pas une vu qu'il y ait une mairie symbolique. Qui soit plein. Adrien Quatennens. Mais vous avez, voilà, vous n'utilisez le bon mot. C'est symbolique, vous voyez. Et la désobéissance que nous appelons de nos voeux, elle est d'abord avant tout symbolique. Et la jurisprudence lyonnaise, attendez juste, je termine de vous répondre, s'il vous plaît. À Lyon, par exemple, il y a un tribunal qui s'est prononcé et qui, concernant le décrocheur de portrait, a dit, eh bien oui, quand effectivement les revendications apparaissent comme légitimes et que le dialogue entre le peuple et le président est rompu, on peut utiliser, sous couvert de non-violence toujours, d'autres moyens pour se faire entendre. C'est moi, je pense qu'on a toujours marché sur nos deux jambes. Il y a les mobilisations et il y a l'institution. Emmanuel Bry fait les deux aussi au Parlement européen. Mais vous n'auriez pas dit les choses comme elles pour dire, faire... Ah mais bien évidemment, si. Nous appelons à ce qu'il y ait une forme de désobéissance civique. Moi, donc je parle de désobéissance civique et non-violente. Sur l'idée que quand on fait les lois comme un député, on peut les contester à partir du moment où c'est non-violent. C'est le rôle de l'opposition. Agnès Buzyn, bon, ça se discute, c'est aussi mais le rôle de l'opposition. C'est un débat intéressant. Monsieur le Premier ministre, la France, comme cette Assemblée tout entière, dénonce et condamne l'agression criminelle à laquelle la Turquie s'est livrée en entrant en Syrie pour y massacrer les Kurdes, défaire les forces démocratiques syriennes et libérer les prisonniers de ses amis de Daesh. Je veux vous interroger sans polémiquer pour tenir compte de la situation dans laquelle notre pays se trouve à cet instant. Pour votre gouvernement, monsieur le Premier ministre, la Syrie est-elle toujours un État souverain et l'inviolabilité de ses frontières est-elle toujours sous protection internationale, comme pour tous les membres de l'ONU? Et alors, que faisons-nous pour que cette protection devienne effective? La France approuve-t-elle l'accord passé entre les Kurdes syriens et l'armée nationale syrienne pour repousser l'invasion? Votre gouvernement compte-t-il aider cette riposte, notamment en utilisant les forces spéciales françaises dont nous avons appris la présence sur place? Pourquoi la France retirerait-elle ses forces spéciales au lieu d'obtenir, fût-ce militairement, que l'armée turque nous respecte et cesse de nous agresser? Avez-vous convoqué l'ambassadeur de Turquie en France et que vous a-t-il dit pour expliquer l'agression contre nos forces spéciales, pourtant parfaitement localisées par l'armée turque? Quel sens la France donne-t-elle à sa participation au commandement militaire intégré de l'OTAN quand un de ses prétendus alliés frappe nos positions militaires en Syrie? Monsieur le Premier ministre, notre pays veut voir sa parole et ses armes respectées. Notre pays veut que les Kurdes, qui sont leurs alliés, soient sains et saufs. Raison pour laquelle le moment n'est-il pas venu d'exiger qu'à l'avenir, comme une garantie, les Kurdes soient associés à toutes les discussions internationales sur l'avenir de la région? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Mélenchon, comme vous, j'ai dit tout à l'heure, la condamnation qui n'est pas simplement la mienne, qui n'est pas simplement la vôtre, qui est celle de la France, de cette attaque et de cette incursion turque en Syrie. Comme vous, et comme d'autres l'ont déjà dit sur ces bancs, je partage l'indignation qui s'exprime sur le sort réservé à nos amis et à nos alliés qui ont participé, et de quelle façon, à la lutte contre Daesh pendant toutes ces années où nous faisions partie d'une coalition internationale. Vous m'avez posé un certain nombre de questions, monsieur le Président Mélenchon. Vous nous avez demandé si nous avions convoqué l'ambassadeur de Turquie pour faire état de notre position et pour lui demander des explications. L'ambassadeur de Turquie a été convoqué par le Quai d'Orsay et il appartiendra, le ministre, je suis sûr, le fera lorsqu'il sera en mesure de pouvoir le faire à ce micro, de dire quels ont été ces échanges. Mais j'ai dit, il y a quelques minutes, dans cette enceinte, que le président de la République lui-même avait eu un contact téléphonique avec le président Erdogan et qu'il avait fait état de la position de la France. Il ne m'appartient pas, vous le comprendrez bien aisément, monsieur le président Mélenchon, de faire état des détails de la discussion entre le président de la République et le président Erdogan. Mais ce que je veux dire en évoquant ces deux faits, c'est que la France ne déplore pas dans son coin, elle ne condamne pas ici, elle dit à la Turquie et à son président son désaccord fondamental sur la décision qui a été prise par la Turquie d'entrer en Syrie et de déstabiliser le combat depuis 5 ans réalisé contre Daesh, de déstabiliser ceux qui ont été nos alliés dans cette lutte contre Daesh et de faire peser sur l'ensemble de la région une menace sectaire, une menace terroriste absolument considérable. Vous avez évoqué la question des conseillers civils et militaires présents, français, présents dans le nord-est syrien. Il y a quelques conseillers civils et militaires français présents dans le nord-est syrien, je vous le confirme, monsieur le président Mélenchon, qui, et dont le nombre ne permettait pas et n'a jamais été conçu pour permettre de pouvoir résister à un tel mouvement militaire fait avec tant de moyens par la Turquie vers le sud en destination de la Syrie. Notre premier objectif, si je peux me permettre, c'est d'abord de les remercier pour la qualité du travail qu'ils ont effectué. Et c'est surtout de faire en sorte que leur sécurité soit garantie dans une phase militaire où ils sont proches de la frontière. C'est évidemment ce à quoi nous nous attelons et je peux certifier de ce que c'est la politique du pays. Troisième question que vous posez, l'éventuelle attitude que nous aurions à avoir vis-à-vis du régime syrien. Voir, mais peut-être ai-je mal vu, et ça n'était pas le sens de votre question, l'éventuel soutien que nous pourrions avoir au régime syrien dès lors que des accords ont été conclus ou auraient été conclus avec des Kurdes. Il n'en est rien. Nous ne voulons pas, monsieur le président Mélenchon, et je ne pense pas que vous le vouliez non plus, entrer en guerre avec la Turquie. Nous ne voulons pas mener une opération militaire qui exigerait des milliers de personnels au sol pour faire face à cette agression. Nous souhaitons que la Turquie prenne ses responsabilités et nous aimerions que les Américains soient à la hauteur des leurs. Et nous le disons calmement, fermement. Et il nous appartiendra, et ce ne sera pas tâche facile, il nous appartiendra de travailler avec nos alliés kurdes, avec lesquels, je le redis, nous restons en contact, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères l'a évoqué avant moi, nous restons en contact pour faire en sorte de limiter les désordres, de limiter les dommages qu'ils vont subir. Et ils sont considérables, car nous voyons une offensive militaire et nous savons ce qu'elle produisent. Mais nous voulons éviter avec eux le pire. Ce sera le sens de nos contacts, ce sera le sens de nos échanges avec l'ensemble des puissances régionales et ce sera le sens de nos échanges avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur ce théâtre. Je vous remercie. Bonjour, j'ai fait une longue enquête sur l'affaire Yann Moix et nous allons vous diffuser l'entretien exclusif réalisé hier avec le cousin de son frère Alexandre qui contredit le témoignage de la grand-mère et que nous avons dans la forêt de Fontainebleau, attention la forêt à son importance, confronté avec Bernard-Henri Lévy et Éric Nolot. Ils vont nous révéler les raisons de leur soutien indéfectible à l'écrivain. Mais non, je déconne. Ah, les journalistes de télévision, les débats, les émissions, les lives, leur effet répétitif, la manière dont cette médiocrité entre dans nos crânes et pollue même quand on veut y échapper notre espace mental. Ah, les boucheurs d'espace-temps médiatique. Ah, les flics de la télé et de la pensée. D'ailleurs, je viens de perdre 30 secondes précieuses qui n'ont qu'un seul objet, dire mon dépit devant tant d'énergie, de temps et d'intelligence perdues dans les limbes. Les limbes de quel enfer ? De notre enfer quotidien, de celui qui nous fait sombrer dans cette matière informe qui occupe notre espace-temps. Cette idéologie molle, faite de renoncements, de logorées impensées, de propagande distillée, de rodomontades, de bombardements d'images et d'impératifs subliminaux. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai démarré ces éditos, je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. J'étais dans mon bureau en bas, j'ai gratté 50 lignes, et puis j'ai escaladé un étage, me suis posté devant une caméra. Et dans la nuit, Mathias et Camille ont ajouté des couleurs et du son, et c'est parti. Je suis devenu un funambule. Je tiens en équilibre sur un fil. Il ne faut surtout pas que je regarde en arrière ou en bas, ni que j'écoute les bruits du dehors, les peigne-toi, les mets-une-vest, ouais, encore que... les 10 pas de gros mots, les arrête avec les gilets jaunes, les fais court, Internet, ça tient pas plus de 5 minutes. Si j'écoute le regard des autres, je perds le fil et je suis mort. Quand je commence, je ne sais pas où je vais. Mais il y a toujours un fil. Et il y a toujours, planant dans la stratosphère, notre bien-aimé président plénipotentiaire, guide suprême de mon effarement permanent. Mais cette semaine, hasard d'une après-midi fiévreuse, passée à zapper sur un divan, le déclic a été pour moi Dominique Rizet. Le ton de cet homme quand il passe à la télé. Si ces gens-là sont des gilets jaunes qui passent à l'action, de la même façon, allez les chercher et accélérer la procédure judiciaire derrière. Ils étaient 50 à postuler à mon panthéon personnel de la tête de Turc cathodique. Je m'excuse par avance pour les Turcs, encore que Erdogan... Mais bon, Dominique Rizet, le préposé police de BFM, remplit toutes les cases du représentant officiel de la propagande de l'État profond macronien. La voix de son maître et des Robocop frappeurs. Ce qui permet aussi aux policiers de sécuriser cet itinéraire, de protéger d'abord les manifestants, de protéger l'intrusion dans les groupes de manifestants ou dans la foule des manifestants de casseurs, hein, extrême gauche, extrême droite ou casseurs en tout genre. L'élément énervant de nos journées difficiles. Je voudrais juste rappeler ici, je sais, on va dire que je suis mesquin, mais en face, ils le sont tellement plus que moi, que le Dominique en question, dans le seul but de frimer et de montrer qu'il était le premier de la classe, a balancé la planque dans la chambre froide du magasin des otages de l'hypercacher en plein direct, alors que Koulibaly était encore à l'intérieur, flingue à la main. Depuis, il s'est excusé, mais comment dire ? À sa place, j'aurais fait profil bas, réalisé un documentaire à petit budget sur les journalistes qui se plantent, les bonobos qu'on décime ou les origines du djihadisme. Mais non. Un an plus tard, tout fringant, tout ripolliné, masterisé expert police, il vient chaque jour et lendemain et surlendemain de manif donné sur BFM Télé Drahi. Ah Patrick, t'en es où d'ailleurs de tes offshore et de tes dettes ? Ce grand yaka de la sécurité nationale vient donc donner des leçons de morale et de civilité à la France entière parce qu'il est copain avec tous les flics de Paris et en particulier les patrons des flics avec qui il se vante régulièrement de communiquer. Le mec qui dit « fauteur de troubles » à la place de « manifestant ». Le mec qui, quand il prononce le nom « gilet jaune », fait une telle grimace qu'on a l'impression qu'il a bouffé un coléoptère. Quand il faisait « faites entrer l'accusé », même si le ton, toujours cet air de connaître la vie mieux que tout le monde, pouvait agacer, c'était une émission de faits divers, sans grands enjeux. Mais là, sur son trône à BFM, il nous prend pour des jambons. Il a tant de caractère, il est si tendre et cette chair rosée. Il confond police et justice, journalisme et propagande. Il est la tête de gondole du pire de ce que nous fait manger la télévision les soirs de manif. Et franchement, on en mange. Des approximations et de la désinformation. Dans un de ses livres, L'exercice a été profitable, monsieur, Serge Danet, mon ancien voisin de bureau à Libération, dieu mortel de la planète cinéma, expliquer que le spectacle de l'informateur était devenu l'info. Nous étions en 1993. L'information, ce bien si précieux, était déjà perdue de vue dans ces journaux télévisés qui progressivement vont dériver. L'info, disait Serge Danet, reste ce qui vient du lieu où ça s'est absolument, malgré nos efforts, pour la rapatrier au niveau des activités faillibles, humaines, relatives. Et ce lieu a besoin de serviteurs, lesquels, très vite, se servent au passage. Des serviteurs zélés, qui très vite se servent au passage. Sur les grandes chaînes d'infos, personne ne semble avoir profité de tes avertissements. Tout le monde parle de cette planète info en faisant croire à ceux qu'ils considèrent comme leur public, leurs clients pour la régie pub de BFM qui défiscalise à donf, que leurs modernes studios, toutes de Sunline et d'électronique constituée, est cette planète où l'info se sait. Cette info qu'ils, les journalistes virevoltants, condescendent à nous livrer, car eux, en boucle, en se singeant les uns des autres, ils savent. Ce n'est pas de l'information que vous balancez quotidiennement, avec un gros pic les week-ends de manif. C'est quoi ? De la merde ? Pas vraiment. C'est sans odeur, c'est assez planant, c'est déferlant. On sent la volonté manifeste d'amnésier et de cogner. Dominique Rizet et l'armada d'experts aux dents blanches des chaînes mainstream nous montrent une police cool et républicaine au service d'un État fort et à l'écoute de son peuple. On se croirait en Corée du Nord. Bon, je sais, j'exagère, mais c'était une métaphore. Nous, sur Internet, nous, les gauchistes, les ultra-gauchistes, les ultra-jaunes, nous voyons que des coups de matraque. Je vous assure, je n'invente rien. J'ai entendu ça sur BFM. Ultra-jaune. Il y a donc le gilet jaune, au-dessus le gauchiste, l'ultra-gauchiste, encore au-dessus l'ultra-jaune, et encore au-dessus le black bloc qui, lui, est noir. Enfin, plus vraiment, puisque maintenant les black blocs se déguisent et les manifestants planquent leurs gilets. Ce qui emmerde bien les experts en stéréotypes qui oublient de penser que peut-être tous ces gens qui, malgré les coups, les amendes et les arrestations arbitraires, continuent à manifester, sont tout simplement des hommes et des femmes abîmés, blessés, révoltés, courageux. Mais passons. Écoutez cet extrait. Le passant essaie juste de dire que le policier n'a pas le droit de taper gratuitement un citoyen comme les autres. Voilà, parce qu'il a dit c'est un citoyen comme les autres. On peut le revoir. Les arrestations, comme celle de cette représentante de la Ligue des droits de l'homme, les gardes à vue illégales ou la poursuite des condamnations iniques, ces 5 mois de prison à Dijon. Les preuves que cet État est sourd à la colère de son peuple et déliquescent, on les a eues en lisant l'interview dans Time d'Emmanuel Macron. Avec ce président, rien n'est jamais évident. Que nous dit Macron ? Que les gilets jaunes l'ont aidé à s'améliorer. En tout cas, en refusant à Edward Snowden l'asile politique qu'il mérite en France, il n'a fait preuve d'aucun signe d'amélioration. Mais ce n'est pas ce qui était demandé. Les gilets jaunes n'en ont rien à faire de l'amélioration ou du psyché du président. Ce qu'ils veulent, comme une majorité de Français, silencieuse, c'est que leur sort à eux soit amélioré. Et de ce côté, rien, nada. L'essence augmente à des prix parfois supérieurs à ceux pratiqués au début de la crise. On creuse le trou de la sécurité sociale, pour dire qu'il est profond. On augmente la fiscalité des retraites. Mais surtout, on baisse de 8% sur 3 ans les impôts des multinationales et des grosses PME qui font plus de 250 millions de chiffres d'affaires. Et on donne 5 milliards d'aides publiques aux plus grosses start-up françaises. Tranquillement, sans coup férir. Et ça passe. Enfin, ça passe. Un avocat, supporter d'Emmanuel Macron, s'est réveillé cette semaine. Merci à François Sureau pour ce sursaut de clairvoyance. François Brune, philosophe et prêtre catholique, mort en début d'année, a écrit ces lignes dans un livre paru en 1993 à l'Harmattan. Les médias pensent comme moi. Nous sommes traversés de phrases impensées, de réflexions réflexes, d'impératifs faussement évidents. Chacun peut éprouver jusqu'à la nausée parfois cette impression de creux, de paroles machinales, de psychisme inauthentique, en écoutant son interlocuteur abonder en stéréotypes à la mode qu'il prend pour expression de sa personne. Mais chacun peut s'observer aussi, emporté par les mots, cédant malgré soi à la formule de tout le monde. Ce n'est qu'après coup qu'on ressent le malaise d'avoir véhiculé des cohérences avec lesquelles on est en désaccord au plus profond de soi. Une fois la télé éteinte, subsiste un vide. On se doute que toute cette soupe ne sert qu'à nous endormir, à nous salir. Mais parfois, ces babillages sont traversés par des éclairs vivifiants. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Auquel répond un président à tic et à toc. Difficile d'aller contre sa nature de roitelet arrogant, et toute cette cour qui pérore contre une petite fille de 16 ans. Comment peut-on ne pas être interpellé par ce que dit Greta Thunberg ? Peu importe qu'elle ait 16 ans, qu'elle souffre d'un syndrome d'Asperger, Forrest Gump aussi. Peu importe que ses parents soient derrière elle, peu importe que des financiers green se fassent du beurre sur son dos. Comment ne pas faire plus à l'heure où le GIEC, cet ensemble international irréprochable de scientifiques, amène, au-delà de ce qu'on avait prévu, des prévisions désespérantes qui corroborent en tout point ce que cherche à nous crier la jeune fille. Leur dernier rapport est sorti mercredi dernier. Les océans et les zones gelées dépérissent à si grande vitesse qu'ils menacent des pans entiers de l'humanité. On doit réduire au plus vite nos émissions de CO2 pour limiter les dégâts, avertit le GIEC. Deux jours après le sommet climat de New York, qui n'a pas suscité l'impulsion espérée, le rapport souligne que les modifications de l'océan ne s'arrêteront pas en baissant les émissions, mais leur rythme pourrait être ralenti. Ça donne plus de chances de conserver les écosystèmes et ça permettrait de gagner du temps, souligne la climatologue Valérie Masson-Delmotte, qui a participé à la rédaction de ce document de 900 pages basé sur des milliers d'études scientifiques. Gagner du temps pour construire des digues autour des grandes mégapoles côtières comme New York ou en anticipant le déplacement inéluctable de certaines populations insulaires. Je suis un funambule, mais je suis aussi un homme en colère. Disons une colère douce, pondérée, réflexive. Lascive. Elle se heurte à l'idéologie ambiante, cette bouillie molle et néolibérale qui n'a pas de nom, mais qui dicte ce que les masses doivent penser, qui façonne notre rapport au monde, à l'autorité, qui ferme des portes, qui tabasse, qui cadenasse, qui nous brûle et qui nous noie, sans que pour l'instant nous sachions comment faire pour résister, pour converger. Fin du monde, fin du mois, même combat. À mes yeux grands ouverts, après le rapport du GIEC, la nouvelle la plus importante de la semaine est venue de Washington. Alerte rouge sur les marchés monétaires. La Federal Reserve est intervenue d'urgence et a injecté 130 milliards de dollars pour sauver le système bancaire américain. Je n'ai pas vu ni lu grand-chose dans les médias dominants. La Fed n'est pas une agence philanthropique ni un organisme étatique. Elle est un consortium de banques essentiellement privées et commerciales dont le but est d'abord le profit. Aujourd'hui, à force de nous faire croire à la croissance éternelle et à nous pousser à nous endetter, ce système bancaire est interconnecté, est exsangue. Il croule sous les dettes. Là, c'est 130 milliards. Mais demain, combien ? Contrairement à la crise de 2008 où les États avaient épongé les arnaques des banquiers, les ressources de la planète ne permettent plus de garantir les emprunts. Il faudra aller chercher des ronds sur Mars ou sur Jupiter. Je ne veux pas jouer les collapsologues de service. Mais nos batailles perdues, nos manifs de gilets jaunes et les réponses d'un pouvoir aveuglé par la réussite de ses élites risquent de ne pas peser lourd. On va faire comme si tout cela planait dans l'air, comme si tout allait encore bien. On va poursuivre notre exercice de funambulisme. Le média tient grâce à vous. Je sais, vous vous attendez à ce que je vous sorte le couplet sur les noms nécessaires à notre survie. Je préfère aujourd'hui vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube. Un petit clic. C'est gratuit et vous serez informé de nos productions.

Le cri de guerre du quadrat taoïste est « Le ciel bleu est mort, voici venu le temps du ciel jaune. » Et son manifeste « La fortune des Han est finie et les hommes sages et valeureux sont apparus. » Discerne la volonté du ciel, ô peuple, et marche dans la voie juste, car seul toi pourras atteindre la paix. Pour cette guerre, Zhang Jiao devient général du ciel. Il enrôle ses deux frères, Zhang Bao, devenant général de la terre, et Zhang Liang, général des hommes. Ainsi, les trois mondes du Tao sont représentés. Les partisans de Zhang, une centaine de milliers de paysans, portent sur leur front un foulard couleur du nouveau ciel en signe de ralliement. On les nomme les turbans jaunes. Face au turban jaune, l'empereur Han Lingdi, pris de panique, se voit incapable de répondre seul à la révolte. Il lance un appel à la mobilisation auquel répondent des généraux et chefs régionaux qui répriment l'insurrection dans le sang, mais démontrent simultanément l'impuissance de la dynastie au pouvoir. Tristement ironique pour un homme qu'on appelait le grand guérisseur, Zhang Jiao meurt presque aussitôt de maladie. Et ses deux frères sont tués par deux des chefs locaux. L'insurrection des turbans jaunes se dissout après la mort des trois généraux, tandis que le commandant des forces impériales mate violemment le reste de la rébellion. Le projet des turbans jaunes aura échoué, mais le pouvoir dynastique, ébranlé, ne pourra jamais retrouver son équilibre. La dynastie Han prendra officiellement fin en 220, quand l'empereur Han Chandi publiera un édit annonçant qu'il abdique en faveur de Cao Pi, le fils d'un des généraux ayant réprimé la révolte des turbans jaunes. Nous sommes en 2019, j'ai décidé de lire les journaux. Il y a une information qui m'intéresse, celle que les Français ne lisent plus, les journaux. Je ne vais pas regarder la télévision, mais l'idée est la même. J'aimerais bien savoir comment celle-ci traite le fait que les Français ne font plus du tout confiance à la télévision. Selon le rapport annuel du Reuters Institute, il n'y a plus que 24% des Français qui fassent encore confiance aux médias. Ces 24%, d'où viennent-ils? À qui ou à quoi font-ils confiance dans les médias? Les infos, les idées, les pages échos, la météo, qui sont-ils? Contiennent-ils les 22% qui ont voté pour les En Marcheurs aux dernières élections européennes? Qui sont les 2% qui restent? À qui ou à quoi font confiance les 76 autres? 50 millions de médias sceptiques et moins, ça va être difficile de diriger un pays dont les trois quarts des habitants pensent qu'on se fout de leur gueule. Qu'est-ce qu'une nation dont la religion n'arrive à mobiliser qu'un quart de son peuple? Qu'est-ce qu'un monde dont les règles sont clairement mises en doute par 3 personnes sur 4? Combien de temps peut-il encore durer? À la belle époque de l'hebdo Harakiri, on aurait pu en faire une exclusive, un Français sur 4 est un con, avec un personnage plongé dans un journal qui dit « Je ne crois pas au sondage ». Ou alors, deux messieurs qui discutent, un Français sur 4 croit au mensonge de la presse, on est deux, on l'a échappé belle. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un an encore, 35% des Français faisaient confiance aux médias. C'est la façon dont a été couvert le mouvement des Gilets jaunes qui a fait perdre 11% de cette fameuse confiance, selon Reuters, comme la presse brésilienne a perdu également 10% depuis l'élection de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, une gueule qu'on aimerait écraser à coups de tatane, aurait pu aussi dire l'hebdo. Le projet des Gilets jaunes a peut-être échoué. Mais le pouvoir oligarchique, ébranlé, ne pourra jamais retrouver son équilibre. La France bleue est morte. Voici le temps de la France jaune. Que c'est beau le temps. Certes, les élections européennes ont en apparence profité aux rassembleurs nationaux et surtout aux En Marcheurs. La gauche de la gauche, comme d'habitude, s'est subdivisée en subdivisions et molécularisée en parties moléculaires. Et même au sein de chaque subdivision, ça s'est tiré dans les pattes à qui mieux. À la droite du centre aussi, d'ailleurs, c'est la seule stratégie de l'En Marcherie, mais elle marche divisée pour régner par défaut. Alors que l'En Marcherie ne correspond plus qu'à un quart des Français votants, ça se divise de partout, à part dans l'En Marcherie. On dirait Life of Brian, où le Front judéen de libération est toujours en conflit avec le Front de libération de la Judée. Si la France insoumise ne voit pas l'intérêt de s'allier avec Génération ou le Parti communiste avec le NPA, alors c'est au sein de la France insoumise qu'il s'agit encore de se combattre, comme au sein du média de la gauche, le média, et si possible à l'intérieur, de l'intérieur, de l'intérieur. On attend le moment où un homme politique rentrera en guerre contre lui-même, sa main gauche clashant avec sa main droite, sa jambe gauche estimant que sa jambe droite n'a plus sa place dans son propre corps et ses fesses voulant acquérir leur indépendance vis-à-vis de sa bouche. Marre de toujours chier ce que cette conne bouffe à tous les râteliers. Le monde du pouvoir est désormais simplifié en un parti unique, capitaliste, fanatique, leur marcherie dont le seul objectif est de brader absolument tout au plus offrant, ainsi qu'une opposition unique, capitaliste, nationaliste, les rassembleurs, au point que leur marcherie semble déjà bien partie pour faire réélire son candidat, le petit robot Macron, aux prochaines élections, tout en accumulant les pires atrocités, yeux crevés, mains explosées au flashball, et les politiques sociales les plus criminelles qu'on puisse imaginer. Écoles, hôpitaux, services publics, tous détruits pour que le profit d'une poignée de gangsters aux prochaines élections. Les Français, gros gens comme devant et comme d'habitude au point qu'on devrait surnommer la France la grosse Jeanne, auront encore une fois le choix entre se faire plumer par des oligarques capitalistes progressistes et se faire plumer par des oligarques capitalistes nationaux comme en Italie, aux États-Unis, au Brésil. Bien sûr, il n'y aura encore une fois aucune alternative, hors l'oligarchie. Les gilets jaunes, partageurs, civiques, démocrates qui pensaient collectifs n'étaient représentés par personne aux élections européennes et ne cherchaient pas à l'être. En apparence, les européennes leur ont nui. Les gilets jaunes valaient mieux que les européennes et pourtant ce sont les européennes qui ont balayé les gilets jaunes. Mais ils ont rempli leur fonction historique. Ils ont laissé les médias se déshonorer. Et avec les médias, le pouvoir. Désormais, le pouvoir des En Marcheurs est aux abois. Il n'existe plus que par défaut, par habitude, par ennui. Il n'existe que parce que tout ce qui l'entoure n'arrive pas à trouver une forme qui puisse l'effacer et parce que la violente bêtise de ses représentants n'engendre chez leurs adversaires que lassitude et résignation. Tous les En Marcheurs sont des stupides, tous les En Marcheurs sont des laquais. Aucun ne ressemble même à un homme politique, ce serait pourtant déjà pas terrible. Mais toutes et tous ressemblent à des starlettes agressives, à des tenanciers de tripots, à de jeunes pubards arrogants et à des joueurs de poker dépressifs qui portent encore le costume de la veille. Les gilets jaunes n'ont pas réussi à occuper l'Élysée, ils n'ont pas réussi à couper la tête des dirigeants et instaurer la démocratie en France. Ils étaient certainement trop pacifiques, trop respectueux de la vie humaine pour prendre violemment le pouvoir à la place des En Marcheurs et pour répondre aux coups que leur donnait la police devenue plus violente, plus folle, plus meurtrière et terrifiante que jamais. On leur a crevé les yeux, tranché les mains et ils n'ont pas été violents en retour. Ils ont tout subi et ils ont simplement continué à exprimer avec calme, gentillesse, ténacité, l'honneur d'un peuple affamé et qui essaie encore de trouver une solution non violente à l'invraisemblable incurie des hommes de pouvoir, à l'incroyable méchanceté des possédants. Ils ont peut-être eu tort dans une logique d'affrontement, mais ils ont eu raison sur le fond, sur le long terme. C'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait montrer. Ce qu'il fallait faire, saisir au reste du monde. Ils sont allés voir les En Marcheurs pour leur dire qu'ils ne voulaient que vivre. Les En Marcheurs ont répondu en leur crevant les yeux et en leur tranchant les mains. On dirait un conte médiéval ou une comptine cruelle. Maintenant, c'est fini. La dynastie des En Marcheurs avait, avec les gilets jaunes, une possibilité de s'en tirer correctement. La dynastie des En Marcheurs n'a pas voulu s'en tirer correctement. La dynastie des En Marcheurs avait, avec les gilets jaunes, la possibilité de continuer dignement, en faisant des compromis, en lâchant du lest, en assouplissant la violence de leur projet. La dynastie des En Marcheurs n'a pas voulu assouplir le projet. Les En Marcheurs ne lâcheront rien, au contraire, ils en prennent encore plus, ils vont tout brader pour l'intérêt d'une poignée de pauvres mecs, et nous en face, on n'aura même plus nos yeux pour pleurer. Il ne faudra pas 36 ans pour que meure cette vieille oligarchie sur le déclin, si seulement la planète nous supporte encore. Mais en attendant, comme sous la dynastie des Han, les eunuques et les lettrés peuvent continuer à se battre dans « On n'est pas couché » ou dans « Balance ton poste », dans tous les clashs et les buzz de notre pénible époque. Mais ce n'est pas tout. Les Reuters Institute remarquent également que BFM TV est à la fois le deuxième canal d'information le plus consulté, 43%, et celui dont la cote de confiance est la plus basse, moins de 5%. Donc selon Reuters, il y aurait en gros 40% des Français qui regardent continuellement une chaîne à laquelle ils ne font pas confiance. Et ça, c'est très inquiétant. C'est peut-être même plus inquiétant que si les Français croyaient dans ce qu'elle racontait. Parce que la seule chose qui changerait vraiment les choses, c'est que les Français arrêtent de regarder BFM TV. Les Français n'aiment pas BFM TV. Ils aiment ne pas l'aimer. Et la seule chose qui foutrait vraiment en l'air ce monde debout, c'est qu'on cesse de préférer ne pas aimer ce qu'on n'aime pas à aimer ce qu'on aime. Le boycott. La seule unique solution, c'est celle que nous pouvons tous pratiquer. Boycotter BFM TV, France 2, TF1, C8, Canal+, boycotter Hanouna, Ruquier, Prod, Barbier, Gisbert, Finkielkraut, Bastier, Enthoven, Lemoine, boycotter tout ce qui est pourri dans le royaume du petit robot. Ainsi, et ainsi seulement, nous détruirons le royaume sombre. Tant que les chroniqueurs et leurs producteurs se feront encore un peu de blé, ils continueront. Ils polémiqueront, ils se feront des clashs, ils vivront du bad buzz que nous entretenons en aimant ne pas les aimer. Mais quand on les ignorera vraiment, quand on cessera même de savoir de qui on parle quand on prononcera le nom de Finkielkraut ou Angot, alors ils n'auront pas d'autre choix que de disparaître, ils seront comme des spectres. J'ai tout. La seule chose qui compte vraiment dans la vie, c'est de réussir à ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Et c'est le plus difficile. Nous avons un plaisir fou à faire ce que nous n'aimons pas, mais que nous aimons ne pas aimer. Et ainsi, nous nous abandonnons à des passions tristes. Nous nous attristons, nous nous abîmons, nous nous enténébrons. Nous n'arriverons jamais à faire la révolution si nous ne boycottons pas définitivement la télévision, totalement, sans exception, sans besoin d'explication, pour toujours. C'est le seul geste qui compte, le boycott. On l'a vu pour l'Afrique du Sud, c'est le geste qui a mis fin à l'apartheid. Est-ce qu'un appel au boycott de BFM TV serait pénalisé? Est-ce qu'on ira un jour en prison parce qu'on aura conseillé de ne pas regarder Ruquier? Je ne sais pas. Mais c'est le geste le plus simple et le plus efficace. S'interdire absolument de participer de près, de loin, à cette messe brune du samedi soir qu'est « On n'est pas couché », se refuser irrémédiablement à cette messe marron qu'est « Balance ton poste », s'interdire définitivement cette messe beige de tous les jours qu'est BFM TV, comme ces messes gris clair que sont les émissions de Finkielkraut ou de Enthoven à la radio, vivre la télévision éteinte. Cesser de faire ce qu'on ne veut pas, apprendre à faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend fiers et vivants, apprendre à aimer ce qu'on aime. Il y a quelques jours, Ben Watson m'apprenait que pour la première édition anglaise du Manifeste du Parti communiste, en novembre 1850, Helen McFarlane avait traduit « Ein Gespenst geht in Europa »,« Un spectre hante l'Europe » par « A frightful hobgoblin stalks through Europe », »,« Un lutin terrifiant qui rôde », plutôt qu'un spectre qui hante. Magnifique, non? Voici le temps des lutins terrifiants. Un lutin rôde dans l'Europe, le lutin du boycott. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour faire monter la vidéo. Et pour faire un don, vous pouvez cliquer sur « Soutenez » juste après sur l'écran de fin. Leur chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils vont voter et puis après, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais. Non, pas du tout. Et nous ne sommes pas les seuls à penser. C'est que le droit de retrait, il est encadré par la loi et actuellement, il a quand même été validé par les inspecteurs du travail. Donc oui, nous sommes bien face à un droit de retrait et non pas à une grève sauvage et non pas à une prise d'otage. Non. Guillaume Pépi et Édouard Philippe, au lieu de rendre hommage à ce conducteur blessé qui s'est démené pour secourir ses 70 passagers, qui s'est démené pour mettre en place les mesures de protection, plutôt que de s'alarmer sur les conditions de sécurité qui sont en train d'être dégradées, et c'est ça qu'il faudrait souligner, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'un seul agent, mais également la disparition des chefs de gare. Donc on voit bien que c'est plutôt que de s'alarmer là-dessus, ils n'ont que les mots sanctions, que les mots répression. Face à qui ? Face à des cheminots qui sont responsables et qui, eux, sont sérieux et prennent la mesure de la dégradation de ces conditions de sécurité. Et je le dis, s'ils veulent intenter des actions contre les cheminots, alors ils perdront en justice, comme ils ont perdu en printemps 2018. Et je leur dis, faire obstacle au droit de retrait est aussi condamnable. C'est 10 000 euros par salarié concerné. Donc s'ils veulent faire un fonds d'indemnisation, je leur conseille aussi de prévoir les mesures qui vont derrière. Bien seul pour défendre la position, parce que je vois même que dans les extraits que vous mettez, malheureusement, vous n'avez pas repris les extraits de délégués, etc. C'est qui vous explique exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est bien face déjà à un droit de retrait. Et excusez-moi, mais ce n'est pas la faute des cheminots si cet accident est intervenu juste avant les vacances scolaires. Donc on ne va pas quand même les rendre responsables de ce timing-là. Jusqu'où va votre démonstration ? C'est complètement absurde. Et plutôt que de montrer quand du doigt les vrais responsables... Des gens qui sont je ne vous ai pas interrompu, monsieur, s'il vous plaît. Plutôt que de montrer du doigt les vraies responsabilités, c'est-à-dire les responsabilités des engagements de l'État dans la sécurité de tous les usagers. Parce que le combat des conditions de travail des cheminots, c'est le combat de nos conditions de travail, de voyage à nous tous. Voilà. Ce n'est pas les cheminots. Arrêtez de mettre les uns contre les autres. Arrêtez de mettre les cheminots contre les usagers. C'est le même combat qui est derrière. C'est juste le résultat. C'est le même combat qui est derrière. On défend des conditions dignes de transport pour tous. Et donc, plutôt que de montrer du doigt les cheminots, montrer du doigt les vrais responsables, montrer du doigt le désengagement de l'État, montrer du doigt votre volonté de toujours privatiser, de vouloir faire des économies là-dessus, montrer du doigt les vraies causes, les vrais problèmes. Sinon, vous passez à côté. Aujourd'hui, les héros, ce sont les cheminots. Et les criminels, ce sont ceux qui sont à la tête de la SNCF. Ni plus, ni moins. Elle chante au milieu du bois, la source, et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Elle était blonde, elle était douce, elle aimait à se reposer dans le bois, couchée sur la mousse, écoutant les oiseaux chanter. Un un jour qu'elle allait à la ville, par le bois où elle passait. Elle vit soudain immobile trois hommes qui la regardaient. Trois hommes qui la regardaient. Elle chante au milieu du bois la source et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Ils étaient là, trois à l'attendre, trois hommes loups, cette brebis. Elle avait la chair bien trop tendre, ils avaient bien trop d'appétit. Elle ne savait pas défendre le souffle léger de sa vie. Elle tomba sur l'herbe tendre comme un oiseau tombe du nid. Comme un oiseau tombe du nid. Elle chante au milieu du bois la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. On l'a soulevée de terre comme une grande fleur coupée. Sa robe blanche et la lumière, on aurait dit une mariée. Quand on l'a soulevée de terre, on aurait dit comme un grand lys. Entre les feuilles, entre les pierres, une claire source a jailli. Une claire source a jailli. Elle chante au milieu du bois la source. Et je me demande s'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. S'il faut croire à cette légende d'une fille qu'on y trouva. Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien, celle qui fut la tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, aujourd'hui eurodéputée et présidente du groupe de la gauche unitaire européenne au Parlement européen. Question-réaction 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application mobile de France Inter. Manon Aubry, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter. Commençons par le Brexit, le dernier épisode en date. Anthony Bélanger le racontait à l'instant. C'est donc le Parlement britannique qui refuse de voter samedi pour valider ou non le nouvel accord obtenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors sur ce point précis, le vote des députés. Question, est-ce que vous voyez là une marque de la vigueur du système parlementaire qui tient dans la tempête et qui défend les procédures de la démocratie, ou un divorce qui n'en finit plus au point de devenir désormais ridicule? Je crois qu'il y a un petit peu des deux, et il y a clairement un énorme imbroglio si vous demandez aux Français, mais aussi aux Anglais, plus personne ne sait où on en est. Sur le Brexit, on revient tous les jours, et il y a une espèce de Brexit fatigue qui se développe, tant côté européen que côté britannique, on ne sait plus où on va. Et je crois que il faut pouvoir trouver la lumière au bout du tunnel. Et vous l'avez dit, il n'y a pas encore eu de vote de la part des parlementaires sur le texte en lui-même. Mmh. Il est possible qu'il intervienne cette semaine. Mmh. Et il est possible que le deal soit voté, mais quand bien même le deal serait voté, on ne serait pas au bout de nos peines, puisque resterait énormément de choses à négocier, notamment toutes les conditions du libre-échange, qui est pas un petit élément, sachant que le Royaume-Uni a très clairement montré sa stratégie à travers Boris Johnson de devenir un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne, et ça c'est un danger qu'il faudra regarder avec beaucoup d'attention. Mais là concrètement, est-ce qu'on doit donner un délai supplémentaire aux Britanniques, comme ils le demandent, ou maintenant c'est fini, comme dit Emmanuel Macron ? Je crois que s'il s'agit d'un délai technique qui permet au Parlement d'analyser le texte, et si c'est de l'ordre de plusieurs semaines ou à la rigueur jusqu'en janvier, on n'est plus à un mois près, si ça peut se dérouler dans de bonnes conditions qui éviteraient qu'à jamais la population anglaise soit divisée, si c'est pas déjà trop tard, ce que j'espère. Donc moi je suis pas opposée à ce qu'il y ait de nouveau un report, mais je crois qu'il faut entreapercevoir la fin de cette procédure et qu'à la fin, il faut qu'il y ait un vote des parlementaires. Ça, maintenant, il faut en finir. Je crois qu'il faut en finir. Je crois qu'il faut en finir. Vous remarquerez. À un moment, faut divorcer, quoi. Faut signer. À un moment, faut divorcer, mais faut le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça que je suis pas opposée à un report d'une semaine, plusieurs semaines, quelques mois, pour que l'ensemble des choses soient négociées et qu'on puisse y voir très clairement et qu'on puisse lever aussi des sources d'inquiétude, notamment exprimées par Jeremy Corbyn et une partie du Labour, sur les conditions et les clauses de sauvegarde en matière sociale, environnementale, fiscale. Et là, si on peut avoir quelques semaines supplémentaires pour notamment pouvoir récupérer une fameuse annexe qui a disparu entre cette version du Brexit, du deal, et la version précédente, celle de Theresa May, ça peut être une bonne chose. Beaucoup de voix, même dans l'opposition, disent qu'il a tenu la barre et qu'il a su mener une négociation de qualité. Dieu sait que c'est pas facile. Est-ce que vous saluez le travail de Michel Barnier ? Oui, je crois que Michel Barnier a mené un travail qui était difficile. Initialement, quand les négociations ont démarré entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, je crois que personne prenait ces négociations au sérieux et que Michel Barnier a montré qu'il les prenait au sérieux en cherchant à préserver les intérêts des Européens. Sans humilier les Anglais, parce qu'il s'agit là de préserver la paix en Irlande, on en parle assez peu, mais c'est quand même un gros enjeu sur le Brexit, préserver les droits socio-économiques à la fois des Anglais et des Européens, et donc c'est pas un petit enjeu. Donc moi je salue le travail de Michel Barnier, j'ai par ailleurs des désaccords politiques avec lui, mais et Jean-Noël. Tout le monde salue d'une certaine manière le travail de Michel Barnier. Jean-Louis Bourlange, à votre place, la semaine dernière, disait il faut que ce soit le candidat à la place de Goulard, le candidat de la France. Est-ce que vous diriez ça, vous, ou non? C'est pas à moi de choisir le candidat pour la France à la place d'Emmanuel Macron. C'est juste que je ferai mon travail en tant qu'eurodéputée de la même manière qu'on l'a fait pour Sylvie Goulard. C'est-à-dire d'abord l'examen des conflits d'intérêts. Je siège dans la commission des affaires juridiques qui est en charge de cet examen. Puis un examen sur le fond. Le portefeuille qui est pour le moment, s'il reste le même accordé à la France, est très très large. Le marché intérieur, même l'espace. Donc on fera notre travail avec la même vigilance et on pourra s'opposer à lui sur la base de désaccords politiques. Mais je crois que d'un point de vue éthique, Michel Barnier fera un peu plus honneur à la France que Sylvie Goulard. Alors justement, le mot d'éthique, vous l'avez prononcé. Suite au rejet de la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire, le président de la République s'est prononcé en faveur d'une haute autorité de transparence de la vie publique européenne. Vous l'appeliez de vos voeux, cette haute autorité. Est-ce que vous saluez cette décision d'Emmanuel Macron ? Je salue toujours des décisions quand elles vont dans le sens des propositions que nous formulons. Je constate juste que si cette autorité indépendante avait existé au moment du cas Sylvie Goulard, elle aurait certainement été bloquée plutôt dans la procédure. Et donc il y a un enjeu de cohérence. On a vu Emmanuel Macron réagir comme un enfant gâté la semaine dernière à qui on enlève son jouet. Et il s'est dit ah ben mince, mais je comprends pas du tout. Pourtant on m'avait assuré que Sylvie Goulard passerait. Si cette autorité indépendante existait avec du temps suffisant, des moyens suffisants, notamment d'investigation, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui dans la procédure actuelle, et une véritable indépendance, alors oui, on remettrait davantage d'éthique dans les institutions européennes, et les quelques semaines qui viennent de s'écouler prouvent que c'est plus que jamais indispensable, parce que trop souvent, le fric a primé sur l'éthique, et donc je vais plus loin que cette autorité indépendante. Il faut aussi changer les règles au Parlement européen, que le cas à Goulard, si je puis dire, fasse école et qu'on interdise les sources de rémunération annexes ou en tout cas qu'on les encadre. C'est ce que j'allais vous dire, parce que Sylvie Goulard, c'était légal. Mais immoral. Mais immoral, oui, d'où la nécessité. Tout est là-dedans, c'est-à-dire que... Mais si vous voulez, je veux qu'on prenne à témoin tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui galèrent à finir leur fin de mois, pour rappeler quand même le cas Sylvie Goulard, qui était rémunérée plus de 10 000 euros par mois, en plus de ses indemnités d'élu. Manon Aubry, c'est juste ce que vous dites, mais c'est légal. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Et donc, maintenant, faisons en sorte que le cas Goulard fasse école, et si Emmanuel Macron veut remettre davantage d'éthique dans les règles européennes, qui soutiennent aussi notre proposition d'encadrer les rémunérations annexes, et que ce soit interdit de répondre finalement à des intérêts privés plutôt qu'à ceux des citoyens qui nous élisent. Manon Aubry, la France est opposée avec le Danemark et les Pays-Bas à l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord à l'Union européenne. Emmanuel Macron a provoqué la déception, cette position-là, a provoqué la déception d'Angela Merkel. Jean-Claude Juncker, l'actuel président de la Commission, a évoqué, lui, une lourde erreur historique. Est-ce que sur ce point, le président de la République a eu raison ? Je crois que la lourde erreur, ce serait de vouloir continuer à élargir l'Union européenne sans rendre son socle social, environnemental plus robuste. Et donc moi, je suis absolument pas opposée à l'idée d'extension de l'Union européenne, mais pas tant que nous n'avons pas mis en place des règles en matière de justice fiscale et de justice sociale. Je vous donne des exemples concrets. Tant qu'on n'aura pas mis en place un salaire minimum européen, tant qu'on n'aura pas mis en place un impôt commun au niveau européen pour lutter contre l'évasion fiscale. Sinon, qu'est-ce qu'on fait en élargissant l'Union européenne? On élargit le cadre de compétition des États les uns contre les autres. Et pour moi, le projet européen, ce ne doit pas être celui-là. Alors Manon Aubry, vous soutenez les actions du mouvement écologiste Extinction Rebellion, que vous appelez comment dans votre vidéo? Vous le faites à l'anglaise. Extinction Rebellion. Peu importe. Vous les avez appelés dans cette vidéo dont je parle, qui buzz beaucoup sur les réseaux sociaux, à venir investir le Parlement européen. Sur le fond, êtes-vous à ce point impuissante en tant qu'élue du peuple que vous demandez aux activistes de venir faire le travail que vous ne pouvez pas faire, vous, en tant que députée? D'abord, sur l'émotion que ça a provoquée, je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire et ça prouve que il y a encore assez peu aujourd'hui de considération pour le rôle d'élu comme activiste. Et ça prouve que ça vient déranger un peu les habitudes d'élu, peut-être un peu pantouflard au Parlement européen. Alors moi, je le dis très clairement, je viens de la société civile, je militais en ONG avant et je resterai élu une activiste. Et je sais, en tant qu'élu désormais, à quel point l'action des ONG, de la société civile, est nécessaire, indispensable pour eux. Mais c'est-à-dire que les élus à agir. Vous, votre travail, vous n'êtes pas capable de mettre la pression toute seule? Je suis le porte-voix de, justement, cette mobilisation sociale. Mais je sais que cette voix ne trouve pas assez d'oreilles au Parlement européen. Il y a des enjeux importants sur les questions climatiques qui vont être débattus dans les prochains mois. Les accords de libre-échange. Va-t-on continuer à organiser le grand déménagement du monde? La politique agricole commune. Va-t-on l'utiliser comme un outil de la transition écologique? La politique monétaire européenne? Allons-nous financer notamment le 100% d'énergie renouvelable? Et je sais que sans le soutien, sans l'appui de la société civile et de l'ensemble des associations et des jeunes mobilisés à qui je voudrais rendre hommage ce matin, eh bien je sais qu'on n'y arrivera pas. Mais parce que sinon les élus vont rester dans leur certitude et ne vont pas bouger le petit doigt. C'est le rôle d'une députée européenne que de prôner la désobéissance civile. Bien sûr, moi je pense que c'est le rôle. Je pense que c'est le rôle d'une députée européenne. Tout à fait, je persiste et signe. Je pense que c'est le rôle d'une députée européenne d'être à l'écoute de la mobilisation de la société civile, de la relayer. Alors à ma place, je ne suis pas une leader de ce mouvement et je ne le serai pas. Mais je veux que les choses soient très claires. C'est de leur dire que oui, ma porte est grande ouverte pour vous écouter et que oui, je pense que s'il y avait davantage de jeunes ou de gens qui venaient au Parlement européen toquer directement aux portes des acteurs politiques, aux portes des députés européens... Mais ça, c'est une chose. Prenez la désobéissance civile, c'est autre chose. Les appeler à se mobiliser, c'est une chose. Prenez pour une députée élue de la nation, élue du peuple français, prenez la désobéissance civile, c'en est une autre. Mais pourquoi aujourd'hui les acteurs de la société civile en sont arrivés à utiliser la désobéissance civile comme un mouvement massif? C'est parce que l'urgence, par exemple, écologique, a fait la démonstration qu'avec les actions habituelles, nous n'arriverons pas à nos fins. Et je suis bien placée pour le savoir, parce que pendant des années, je faisais partie de celles qui allaient toquer aux portes du pouvoir sans forcément d'action désobéissance civile. Et je savais à quel point on était ignorés. Et donc, c'est pour ça que les actions désobéissance civile sont aujourd'hui devenues un moyen indispensable pour sonner l'urgence écologique et appeler les élus à agir. Et oui, en tant qu'élu, moi, placé dans le Parlement européen, mais aussi en dehors du Parlement européen. Donc un élu peut à la fois voter la loi et désobéir à la loi. Là, un élu peut pousser à la désobéissance d'une loi, je pense, quand elle est injuste ou illégitime. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret. Si demain, on devait voter l'accord avec le Mercosur, moi, je défendrais des zones hors Mercosur, comme à l'époque, c'était créé des mairies hors TAFTA, par exemple, parce qu'il en va de la survie des espèces, il en va de la lutte contre le réchauffement climatique, il en va de notre avenir. Et peut-être que, alors, vous prenez la moyenne d'âge au Parlement européen qui est un peu âgée, et peut-être que les questions de notre avenir collectif les concernent pas, mais moi, je me sens au premier chef concernée. Et oui, je serai à leur côté, en dehors et dans le Parlement européen. Allez, ouvrons le dialogue avec les auditeurs de France Inter. Bonjour, Paul. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Oui, je voulais poser la question à Madame la députée de la France Insoumise. Que pense-t-elle du comportement du Premier ministre, flanqué de son directeur de la SNCF, Guillaume Pepy, lorsqu'il, invoque plus ou moins un droit de grève qui est plus ou moins, un droit de retrait qui est plus ou moins légal, et en même temps, il n'arrête indirectement, mais enfin, il le fait quand même, il divise les gens en ce sens que il essaie de monter les gens contre les cheminots. Voilà, les uns contre les autres. Merci pour cette question, Paul, qui fait donc référence à ce qui s'est passé ces derniers jours à la SNCF. Les propos du Premier ministre, détournement du droit de retrait, a-t-il dit, qui s'est transformé en grève sauvage, et Édouard Philippe qui a également demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, notamment judiciaires, à cet épisode. Voilà pour les éléments dont parlait Paul. Manon Aubry, réponse. Je savais pas que le Premier ministre était juge et qu'il était en capacité de juger l'affaire. Je vois juste que des inspecteurs du travail ont déjà répondu et averti le Premier ministre pour dire que, a priori, le droit de retrait était légitime, que droit de retrait est un droit qui s'exerce en cas de danger grave et qu'il faut savoir ce dont on parle ici. C'est un accident avec 11 blessés. À son bord, côté SNCF, seulement un conducteur, et que ce conducteur lui-même blessé a dû assurer la sécurité et que le droit de retrait me semble légitime. Je laisserai la justice trancher, mais je suis très attachée à ce qu'on respecte un minimum le droit du travail quand on est Premier ministre. Vous appelez à un durcissement du mouvement à la SNCF, ou les encourager à continuer ? C'est pas à moi de statuer à la place des cheminots sur quoi faire. Je constate juste que il y a eu ces derniers mois beaucoup d'appels de la part des différents syndicats constatant une dégradation des conditions du travail, une espèce de fatigue vis-à-vis des conditions de travail. Et je voudrais pas que la SNCF se transforme en nouveau France Télécom et qu'il faut écouter ceux qui subissent au quotidien ces difficultés. Je sais pas si vous avez entendu l'édito de Dominique Seux qui disait, je vous le dis, qui disait qu'en gros, derrière la sécurité des voyageurs pointés par les syndicats, en fait, ils sont en train de se battre pour leurs avantages et la retraite entre 55 et 57 ans. La question de la sécurité n'est quand même pas une petite question. Tout ça est parti. S'il n'y avait pas eu un accident ce week-end avec 11 blessés, le droit de retrait ne se serait pas exercé. Donc la question de la sécurité est une question importante qui n'est pas négligeable. Ce que demandent les syndicats, là, c'est très clairement le fait qu'il n'y ait plus juste une personne de la SNCF à bord. Je pense que c'est une question qui est légitime. Comment sans pas répondre par celle-là. On retourne au standard, question européenne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue, merci. On vous écoute Pierre. Merci. Merci. Mon appel, bonjour Madame Aubry. Écoutez, ma question est très simple. Je voudrais savoir comment vous vivez vos propres paradoxes ou vos propres contradictions. Vous avez d'ailleurs fait une très belle illustration à l'instant, je vais y revenir. Ma question est celle-ci. Avant l'élection de juin dernier, que n'avez-vous pas dit sur le caractère non démocratique de l'Union européenne ? Que n'avez-vous pas dit sur la faiblesse du Parlement européen, une espèce d'institution qui ne sert pas à grand-chose, Parlement secondaire, hein, c'est ce que disait d'ailleurs M. Mélenchon à une certaine époque, au prétexte notamment qu'il n'avait pas le droit d'initiative. Vous regarderez l'article 225 du traité, vous êtes président de groupe, vous devez le savoir. Alors, maintenant que vous êtes en fonction, que vous êtes quand même présidente de groupe de la deuxième plus grande assemblée parlementaire au monde, je le rappelle, après l'Inde et avant les États-Unis. Maintenant que vous avez vu la puissance de contrôle que détient le Parlement vis-à-vis notamment des commissaires, candidats, la Fagoula est assez exemplaire de ce point de vue-là, et que vous disposez d'armes normatives, législatives, y compris internationales, vous voyez la puissance de feu de ce Parlement. Alors je voudrais savoir comment une femme politique peut surmonter ces paradoxes, et je termine par vos derniers propos concernant vos fonctions à la fois de représentante de la société civile et des ONG et des citoyens. Je suis proprement scandalisé par ce que je viens d'entendre. Madame, merci. Vous avez été élue par des citoyens et vous n'êtes pas là pour représenter des ONG. Il y a une contradiction des genres qui est absolument scandaleuse. Merci Pierre, juriste visiblement, peut-être même avocat. Manon Aubry vous répond. Sur votre dernier point, tout d'abord, les militants de la société civile sont des citoyens qui sont mobilisés et je suis ravie de pouvoir être une de leurs voix au Parlement européen. Sur le fond et sur le pouvoir du Parlement européen, oui, je continue à dire que le Parlement européen n'a pas suffisamment de pouvoir. Vous l'avez dit, reconnu vous-même. Le Parlement européen n'a pas l'initiative parlementaire. C'est en effet une des plus grandes démocraties au monde où nous, seuls représentants du peuple, ne pouvons pas initier la loi européenne. Nous parlions tout à l'heure, par exemple, de la création d'une autorité indépendante sur les questions d'éthique. Nous n'avons pas le pouvoir de créer. Nous faisons la proposition en espérant qu'elle soit reprise par la Commission européenne. Je crois que ça pointe les limites aujourd'hui du fonctionnement de la démocratie européenne. Mais pour autant, on prendra et on continuera à se servir du Parlement européen comme une instance de mobilisation et pour changer un maximum pourquoi, de choses. En fait, pour rebondir sur ce que dit l'auditeur, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas resté activiste? Au fond, si vous pensez que vous êtes plus efficace comme activiste que comme député. Parce que je pense que le Parlement européen a besoin de lanceurs d'alerte. Prenez le cas Sylvie Goulard. Ce que vous n'avez pas énoncé, c'est qu'au début de la mobilisation et de la question Sylvie Goulard dans la commission des affaires juridiques, à ce moment-là, j'étais la seule, avec quelques collègues à droite des Républicains, à lancer l'alerte sur les problèmes éthiques posés par la candidature de Sylvie Goulard. Et je suis très fière qu'au final, on ait réussi à avoir la majorité. Et donc voilà à quoi servent des députés de la France insoumise au Parlement européen. Et j'espère que demain, le bruit qu'a créé cette question arrivera à la création de cette autorité indépendante, à l'interdiction des rémunérations annexes, demain peut-être à le fait de refuser le traité de libre-échange avec le Mercosur. Donc nous sommes aussi des lanceurs d'alerte, mais nous faisons et nous prenons notre travail très au sérieux dans les institutions européennes. Allez, on retourne au standard. C'est Sylvia qui nous appelle de Nice. Bonjour Sylvia, pardon, bienvenue. Oui, bonjour. Je remercie France Inter. Je remercie également Madame Aubry. La question est, en tant que députée européenne, quel est votre avis sur la crise catalane et sur les peines de prison qui ont été formulées à l'encontre des dirigeants catalans indépendantistes? Merci Sylvia pour cette question. Manon Aubry vous répond. Clairement, ces peines de prison sont complètement disproportionnées et scandaleuses. On a aujourd'hui des militants indépendantistes qui ont été condamnés à 9 à 13 ans de prison ferme, dont des élus députés européens, des collègues à nous qui devraient siéger sur les bancs du Parlement européen. Je crois qu'on ne peut plus utiliser la justice comme un outil politique et que, en démocratie, la question se tranche par le vote. Et quoi qu'on pense de la question catalane, je crois aujourd'hui qu'il est indispensable que l'on ait un vote. Et une dernière chose sur cette question, le silence de l'Union européenne est un silence coupable. Nous demandons, cette semaine se tiendra une session plénière au Parlement européen, qu'un débat se tienne au Parlement européen sur la question catalane, parce que le Brexit est certes une question importante, mais en Catalogne est en train de se passer une mobilisation quasiment jamais vue, avec des impacts majeurs, et l'Union européenne a une responsabilité. Vous parlez de justice politique, est-ce à dire, à vos yeux, que l'Espagne n'est pas un état de droit ? Je n'irai pas jusqu'à dire que l'Espagne n'est pas un état de droit. Je constate que ici, il y a une instrumentalisation de la justice. 9 à 13 ans de prison de ferme, il faut bien mesurer ce que c'est pour avoir appelé à ce que se tienne un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Ce sont des peines qui me paraissent extrêmement graves. L'affaire ira jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne. Mais en tout cas, je crois qu'on ne peut pas en rester là. Éric est au standard. Bonjour Éric, bienvenue. Bonjour France Inter, bonjour Manon Aubry. La gauche a toujours été laïque, et même anticléricale dans son passé. Et je suis surpris de cette souplesse et de cette facilitation vis-à-vis du voile islamique. Mais franchement, je ne comprends pas la position de la France insoumise. Merci Eric pour cette question. Manon Aubry vous répond. Notre position, c'est ni plus ni moins que de s'en tenir à la loi sur la laïcité de 1905. Et je vais le dire une bonne fois pour toutes, parce que je ne me suis pas exprimée dans les médias depuis une semaine. Franchement, laissez les musulmans tranquilles. Maintenant, ça suffit. Laissez les gens porter une kippa, une croix, un voile, tout ce qu'ils veulent dans leur espace à eux. Et qu'on arrête d'hystériser ce débat sur les questions d'immigration, sur les questions de voile islamique, comme on a pu le faire ces deux dernières semaines, parce que franchement, ça devient insupportable. Est-ce que vous appelez Emmanuel Macron à sortir de son silence et à le fameux discours sur la laïcité attendu? Est-ce que vous aussi, vous l'attendez? Malheureusement, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, a plutôt jeté de l'huile sur le feu. Il a fait un énième débat sur l'immigration qui s'est traduit par une énième polémique sur la question du voile, comme si les deux étaient forcément liés. Moi, je crois que j'attends plus grand-chose du gouvernement et d'Emmanuel Macron en la matière, malheureusement. Éric, est-ce que la réponse de Manon Aubry vous satisfait ? Pas tout à fait, car ce que je pensais, c'est pas le côté neutre, c'est le côté carrément facilité le voile, quoi. Notamment, il y a une affiche de la Fédération d'élèves qui prône le voile. C'est même pas une neutralité. C'est ça qui est pour moi incompréhensible. Merci Eric. Manon Aubry. Je ne vois pas en quoi ni une fédération de parents d'élèves, ni l'école, à un moment ou à un autre, a facilité le port du voile. Maintenant, ça suffit qu'on laisse les femmes qui veulent porter le voile tranquilles, parce que tout ce débat, par quoi il se traduit ? Par l'augmentation des actes de racisme, par l'augmentation de l'intolérance dans la société française, qu'on les laisse tranquilles, une bonne fois pour toutes. Je ne comprends pas pourquoi on en revient encore et encore et toujours à cette question qui hystérise le débat français. Il y a plusieurs questions sur l'application France Inter en réaction à vos propos sur la désobéissance civile. Fred vous dit que prenez la désobéissance civile, c'est ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'à ce moment-là, tout le monde va pouvoir le faire. Le Rassemblement National peut prôner la désobéissance civile sur l'immigration. Le patronat peut prôner la désobéissance civile sur les règles du travail. Prôner, dit Pascal, la désobéissance de la part d'une députée est scandaleux. Il demande même à ce que vous soyez poursuivi en justice. Vous voyez la boîte de Pandore ou pas ? Moi, je vois surtout la boîte de Pandore de l'inaction en matière climatique, et que des associations, pendant des années, ont sonné l'alarme, ont fait des propositions, ont dit qu'il fallait arrêter de signer des accords de libre-échange, ont dit qu'il fallait investir dans les énergies renouvelables, ont dit qu'il fallait faire la transition d'agriculture. La crainte des auditeurs, c'est que tout le monde trouve une raison légitime de ne plus obéir à la loi. Marine Le Pen peut dire la même chose sur l'immigration, en disant « moi, je trouve que c'est scandaleux qu'il y ait trop d'étrangers, donc je vous appelle à désobéir civilement aux règles de l'État. » Mais je... Ça peut être aussi important que l'urgence climatique pour vous. Sauf que l'urgence climatique, que c'est pas tout à fait la même chose, et que chacun jugera de l'urgence de la question climatique plutôt que d'hystériser les questions migratoires. Vous savez, la désobéissance civile a joué un rôle majeur dans l'histoire politique, que ce soit Gandhi, que ce soit Martin Luther King, et pour des questions majeures aussi importantes que la lutte contre le changement climatique. Alors si les méthodes traditionnelles n'y sont pas parvenues, eh bien il faudra le faire, il faudra sortir un peu de sa tour d'ivoire du Parlement européen pour voir l'urgence et enfin pouvoir agir.